C'est en fin de semaine, c'est une belle fin de semaine de sport pour les sportifs. Il y a le Masters en fin de semaine qui est le Super Bowl du golf. Et il y a le Super Bowl de la lutte aussi avec le WrestleMania 34. Et on en parle avec, il va être notre collaborateur une couple de fois par année quand il va un gros show de lutte comme ça. On parle avec Fred Gagné de Radio X. Vous pouvez aller peut-être l'immédiat avec Simon Tremblay à l'émission Midi-Pile. Salut Fred! Salut mon homme, ça va bien, ça va bien. Fred, le WrestleMania, pourquoi c'est si magique? C'est carrément l'équivalent du Super Bowl. Différents au hockey, au baseball, dans la NBA, c'est des séries qui sont échelonnées sur principalement des 4 de 7. Mais comme au football, c'est un match qui fait, un événement qui fait toute la différence, c'est le Super Bowl. Ben, à la lutte, c'est un peu la même chose. À la fin, il y a un seul gala et c'est lui qui décide de tout. Alors, le WrestleMania, évidemment, la lutte existait avant ça. Ça a commencé dans les années 80 avec WrestleMania 1, avec Mr. T, puis Roddy Piper. Hulk Hogan, t'es-tu là? Hulk Hogan, monsieur? Oui. Puis après ça, il y a eu le fameux WrestleMania 3 avec Hulk Hogan, puis le géant ferré, Andrew the Giant, avec 93 000 personnes au Pontiac Silverdome de Détroit. Puis après ça, ça a évolué. WrestleMania 9, WrestleMania 10, les Steve Austin, The Rock et tout ça. Puis bon an, mal an, il y en a toujours un à chaque année. C'est toujours à peu près fin mars, début avril. Et c'est généralement là où c'est le plus gros événement. Et dans les dernières années, pour prouver la popularité de la lutte, on a déjà fait ça plus modeste. Mais maintenant, c'est toujours à peu près dans les stades de baseball ou de football. Cette année, on est du côté de la Nouvelle-Orléans, au Mercedes-Benz Superdome, ou le Superdome pour les amateurs de football. Ouais. Et là, on attend 80 000 personnes. Ça pourrait tout simplement être la plus grosse foule jamais assistée à cet événement-là, ou du moins la plus grosse foule à cet amphithéâtre-là, parce que normalement, les games des Saints, tu peux mettre 73, 74, 75 000 personnes, mais là, prends le terrain de football, puis tu peux mettre du monde dessus, ça fait que tu rajoutes 4-5 000 personnes, et on s'attend à ce que ce soit presque sold out. OK. Est-ce que... pourquoi c'est sold out? Parce que Ronda Rousey est là, parce que Ronda Rousey, écoute, c'est la figure du UFC. Là, maintenant, elle a décidé de se retirer des arts martiaux mixtes pour s'en aller du côté... de la lutte de la WWE. Est-ce que ça a un lien avec les 80 000 personnes qu'il va y avoir? Plus ou moins, mais c'est sûr que ça aide. Je t'explique que dans les dernières années, qu'elle était là ou pas, je veux dire, les foules étaient magistrales, mais à chaque année, la WWF essaie de faire un coup d'éclat avec une grande vedette. Il y a déjà eu Floyd Mayweather qui a déjà fait un combat, il y a eu des vedettes de cinéma, Rob Gronkowski, les Pats, ouais, a fait une apparition dans WrestleMania les dernières années, tu sais, que ce soit dans ce genre de choses-là. Et là, cette année, Ronda Rousey, ça fait quand même un an ou deux qu'on se dit, celle-là, on va la voir arriver dans le domaine de la lutte, parce que sa carrière dans l'UFC est terminée. Alors là, depuis un certain temps, elle s'entraîne. On l'a vu arriver dans certains galas comme entre autres Royal Rumble. On l'a vu arriver dans certains moments où elle s'annonçait qu'elle avait des confrontations. Puis pour son premier vrai de vrai combat officiel pour WrestleMania, ben on pourra dire que celle-ci va avoir un affrontement mixte, donc c'est intéressant. Elle sera avec Kurt Angle, l'ancien champion olympique, l'ancien champion de lutte, qui est de retour un peu comme manager, qui va lutter. Lui, ça fait très longtemps qu'il n'a pas lutté. Donc Kurt Angle et Ronda Rousey vont faire équipe mixte ensemble, contre un peu le power couple de la WWF, là. Ils sont un vrai couple d'envie. Triple H, Jean-Paul Lévesque, mais qui n'est pas québécois, mais de racine québécoise, et également Stephanie McMahon, la fameuse fille de Vince McMahon, le grand Manitou de la lutte. Donc, cet affrontement-là où Ronda Rousey est une gentille, Triple H et sa femme sont des méchants. Je sais pas si techniquement ça va être top. Peut-être que ce sera pas si bon que ça, techniquement parlant. Mais il y a un gros buzz, un gros hype autour de ça. Ça, c'est définitif. Moi, je suis très néophyte à la lutte, là, donc, je sais même pas comment ça se passe, puis je l'écouterai pas le WrestleMania. Par contre, je t'appelle parce que moi, je l'ai pas maudit. C'est pas parce que moi, j'aime pas ça que je suis pas obligé d'en parler, puis de pas intéresser le monde là-dessus. Mais comme moi, je connais la boxe, je connais les arts martiaux mixtes. Normalement, il y a des combats avant la grosse carte. Ça se passe-tu de même dans la lutte aussi? Oui. C'est complètement fou. Puis, à mon avis, même qu'à la limite, je vais être honnête avec toi, c'est peut-être rendu trop gros dans la mesure où, écoute, il y a à peu près 13 combats de prévus, puis peut-être même un 14e, parce qu'on sait pas trop si... Normalement, l'Undertaker a pris sa retraite, mais là, cette année, John Cena n'a pas d'adversaire encore. On se doute bien qu'il va être là. On s'attend à ce qu'il y ait un affrontement surprise entre John Cena et Undertaker, mais il n'est pas annoncé encore officiel ou à peu près. Il va avoir 13-14 combats. C'est une soirée de lutte qui, normalement, va se terminer aux alentours de 11h30, et ça va commencer à peu près vers 4h30-5h. Fait qu'il peut comprendre là, que c'est 6 heures de combats de lutte, un en arrière de l'autre. C'est complètement fou. cette année, il y a deux batailles royales, une bataille royale pour les hommes, une bataille royale pour les femmes. Ça devrait commencer avec ça. Les deux premiers combats devraient être ça. Après ça, il va y avoir des poids, on peut dire cruiserweight ou des poids légers, si tu veux. Mais il y aura vraiment là, des gros noms. Il y a des Québécois qui sont là, en passant. Ouais. Kevin Owens, Sami Zayn vont faire équipe ensemble contre Daniel Bryan et Shane McMahon, le fils de Vince McMahon. Ça risque d'être très intéressant. À chaque année, Shane McMahon fait toujours une grosse passe acrobatique. Ce qui serait intéressant, tu connais ton UFC. Brock Lesnar, normalement, termine son contrat avec... Il termine son contrat avec la WWE. Il a souvent été à cheval entre les deux organisations. Ça devrait probablement être le combat principal de la soirée contre Roman Reigns, qui est la nouvelle figure de proue du côté de la fédération. Normalement, Brock Lesnar devrait perdre son combat ce dimanche contre... Parce que c'est arrangé, là. Parce que c'est arrangé. Il faut se le dire. À 99% d'Annie, c'est arrangé. Ouais. 99% du temps, c'est arrangé, mais il peut toujours arriver. Ce qu'il faut savoir, en passant, c'est que oui, c'est arrangé, mais... Les organisateurs, les grands Manitou qui sont Vince McMahon, qui sont Triple H, se donnent là, jusqu'à la dernière minute pour décider l'issue des combats. Parce qu'il y a des pétards là-dessus. Puis des fois, là, ils vont regarder le buzz une semaine avant. Puis là, ils vont dire, c'est-tu bon pour la business que ce soit lui qui gagne? Puis des fois, là, une journée, deux jours, trois jours avant, ils peuvent changer l'issue d'un combat. Puis ils peuvent dire, même il y a des lutteurs, des fois, qui arrivent à l'aréna, là, puis ils savent même pas encore s'ils vont gagner ou vont perdre. Puis ils se font dire, hey, by the way, t'étais supposé de gagner, finalement, tu vas perdre. Pour garder un effet de surprise, ce genre de choses-là. Donc, oui, c'est arrangé. Oui, quand ça commence, on sait qui gagne, qui perd, du moins pour l'organisation. Mais le fan peut avoir des surprises jusqu'à la dernière minute. Puis c'est pour ça un peu que le monde de 30, 40, 50, 60 ans écoute encore ça, parce qu'il y a encore moyen d'être émerveillé, si on veut. OK. Est-ce que, là, on va parler de du côté business, parce que c'est ça qui m'intéresse. As-tu des informations sur, parce que c'est la télé à la carte, ça va être présenté, as-tu des informations sur comment on prévoit qu'il va y avoir de gens qui vont s'abonner à la télé à la carte pour voir le WrestleMania et comment ça va générer en revenus tout ça? As-tu des informations là-dessus? Il y a beaucoup de gens, les gens aujourd'hui, ce qu'ils font, là, j'ai pas les chiffres pour toi, okay. Mais ce que je peux te dire, c'est que les gens, la manière dont ils le consomment maintenant, les galas, la télé à la carte, ce qu'on appelle les pay-per-view, ouais. C'est avec ce que la WWE ont fait depuis quelques années, ils se sont bâtis un network, c'est-à-dire... OK, WWE Network, d'ailleurs. Sur un poste de lutte en continu, moi, personnellement, je suis abonné, ça me coûte à peu près 10-12 pièces par mois, puis ça me donne accès à toutes les archives que je peux consulter par informatique, ou... J'ai le poste de lutte en continu à tous les jours. Et dans le temps, tu commandais un combat à la télé à carte, ça coûtait 30-40$. Maintenant, tu payes 12$, puis tu l'as chez vous, tu l'as, et ça coûte. Donc, ça coûte pas mal moins cher que ça coûtait avant. Mais tu comprends que quand tu crées une habitude comme ça, c'est-à-dire que dans la logique comptable, les gens diront, voyons, non, ça coûtait 40$, ça coûtait 50$, écouter WrestleMania dans le temps, puis à ce temps, tu peux l'avoir pour 12$ par mois. Oui, mais imagine-toi si toi, comme gars, comme individu, tu payes 12 piastres par mois pour toute l'année, chaque mois pour l'année au complet, tu le trouves à lui donner un 150-200 piastres, fois le nombre de gens qui disent « Hey, c'est pas cher ». Fait que eux, ça leur donne une stabilité de revenus incroyable, ça leur donne des abonnés, des gens qui se sont souscrits à ça. Donc, c'est une manière comptable qui a changé un peu. C'est pas comme, exemple, tu vas louer le combat de Floyd Mayweather à TV à 50 piastres, 60 piastres, one-shot deal. Là, tu t'abonnes par mois, t'as le droit au pay-per-view, t'es content. Puis même moi, de mon côté, je l'écoute en gang. Je l'écoute avec des amis de lutte, on va se ramasser dans le sous-sol, on fait des poules. Oh, oui, on fait des poules. On pense qui va gagner. Il va-tu gagner par un marteau pilon? Il va-tu gagner par une prise du sommeil? Il va-tu gagner par disqualification? Puis on met un 2 piastres, un petit 3 piastres, un petit 4 piastres. Puis à la fin de la soirée, ben on est bien content. Puis on se commande du chinois, puis c'est bien correct. OK. Ben, faut gagner un gros merci. On se reparle pour la prochaine grosse compétition de lutte, c'est quoi? Si on parle du Fab Four, il y a des événements tous les mois, des fois il y en a deux par mois, mais normalement, là, c'est WrestleMania au printemps, t'as SummerSlam l'été au mois d'août, mois de juillet dans ce coin-là, t'as Survivor Series au mois d'octobre, novembre, puis t'as également Royal Rumble au mois de janvier. C'est le Big Four, le Fab Four des événements là, à suivre pour les amateurs de lutte. Donc on s'en parle à la prochaine grosse compétition de lutte. Ben oui, puis je t'invite aussi de trouver des amis qui ont le network, d'aller voir ça, tu vas adorer. Ça commence de bonne heure, 4-5 heures, puis ça finit tard, mais ça vaut à peine, c'est le plus gros show, ça va être fourré avec 80 000 personnes. 80 000 personnes au Superdome. Faites gagner de Radio X, qu'on a pu écouter tous les midis avec Simon Tremblay sur les ondes de Radio X. Merci.